Les petites histoires de Tell Me. Les sauveurs du coin. Imaginez un immeuble immense, avec une cour intérieure qui n'est rien de moins qu'un gigantesque jardin. Vous pouvez l'apercevoir depuis le trottoir à travers la grille d'entrée, juste assez pour vous donner envie, si vous êtes un peu curieux, de pousser la porte pour contempler de plus près cet îlot de verdure. Dans un coin, sous un vieux chêne, se trouve une compostière. C'est ici que vit Adrien, un lombric, avec des milliers de ses congénères. Ils sont spécialisés dans la création d'un compost de grande qualité. Adrien travaille dur toute la journée, même si au fond de lui, il rêve de creuser des tunnels. Alors, dès qu'il a un moment, il conçoit des plans de galeries souterraines. Un jour, alors qu'il s'amuse, Adrien tombe sur un tout petit trou dans la paroi de la compostière. Il est suffisamment grand pour passer la tête au travers. Pour la première fois de sa vie, il découvre le jardin. La vue lui coupe le souffle. Des massifs baignés de soleil s'entremêlent, offrant une multitude de couleurs et de formes très douces qui laissent couler le regard de plantes en plantes. Dans ce paysage paradisiaque, son attention est attirée par un petit coin de jardin tout sec, où pas un brin d'herbe ne pousse. La terre est craquelée et bien trop claire. Un roucoulement le tire de sa contemplation. Un pigeon se tient juste au-dessus de lui. Adrien sent un frisson le parcourir. Un nouveau roucoulement. Le prédateur s'élance comme une flèche. Adrien s'enfuit juste à temps. Le pigeon s'écrase contre la paroi de la compostière qui tremble un moment. Rentré chez lui, Adrien est si blême que tout le monde s'inquiète de ce qui lui est arrivé. Alors il leur raconte. À la fin de son récit, son grand-père intervient. « Je me souviens du jardin où je suis né. Il était vraiment magnifique. On pouvait aller où on voulait. Mais il est vrai, les oiseaux, les taupes et les limaces aimaient nous tourmenter. Nombre de mes frères ont péri. Je pense que c'est une vraie chance pour nous d'être ici, en famille, à l'abri. »« Mais on est coincé ici, » lâche Adrien. « Il faut croire que tout a un prix !» lui rétorque-t-il. La découverte du jardin et du coin sec est une révélation. Il en est sûr, c'est là-bas qu'il pourra accomplir son rêve de devenir créateur de galeries souterraines. Mais Adrien aime les siens, de tout son cœur, et il ne veut pas leur faire de peine. Il reste dans la compostière et se contente d'observer le jardin, posté devant son trou, sans plus s'aventurer y passer la tête. Et il imagine toutes les aventures qu'il pourrait vivre sous terre. Le temps passe, la vie suit son cours. Une boule grossit dans son ventre, il a moins d'appétit. Son papy vient le voir. « Tu penses au jardin ?» Adrien n'a pas la force de mentir. « Oui, c'est comme s'il m'appelait. »« Alors, je crois que tu devrais y aller. » »« Mais, et la famille ?» Tu disais que c'était ce qui comptait le plus ? Justement, si tu veux partir, on ne va pas t'en empêcher. C'est ton rêve, non ? Il hoche la tête. Tu vas me manquer, papy. Le vieux lombric l'étreint. Tu vas nous manquer aussi. Le soir venu, toute sa famille l'accompagne jusqu'au trou. Adrien passe discrètement la tête, aucun prédateur à l'horizon. Il regarde en bas, il est si haut. Même s'il a un peu peur, il sait au fond de lui que rien de mal ne pourra lui arriver. Il ferme les yeux et se laisse tomber. Sa chute est amortie par l'herbe. Dans la nuit, au ras du sol, il se sent un peu perdu. Il aperçoit le coin du mur au pied duquel se trouve sa destination. Il s'enfonce dans la terre. Il s'y sent tellement mieux que dans du compost. Au bout d'un petit moment, il se dit qu'il serait sage de remonter à la surface pour voir s'il est dans la bonne direction. Lorsqu'il sort la tête, le jour est déjà levé, le soleil l'éblouit, et quand il ouvre les yeux, un pigeon le fixe de ses yeux stupides et vitreux. Un coup de bec s'abat brutalement mais se plante juste à côté de lui. Il s'enfuit dans sa galerie. Nouveau coup de bec. Le volatile manque de peu de le saisir et l'entrée vole en éclats. Poussé par la peur, Adrien glisse le plus profondément possible. Les coups redoublent, accompagnés de cris agacés. Les murs du tunnel s'effondrent. Adrien se pelotonne, terrifié, tout vibre. Puis, tout redevient silence. Le pigeon a abandonné. Adrien est sauvé. Après s'être remis de ses émotions, il reprend sa route, mais sans la moindre idée de la direction dans laquelle il doit creuser. Remonter à la surface ne serait pas très prudent. Alors il avance et espère croiser quelqu'un qui pourra l'aiguiller. Il ne tarde pas à rencontrer d'autres vers de terre qui lui indiquent le chemin. Mais tous le mettent en garde contre une vieille taupe qui traîne aux alentours. L'avertissement ne décourage pas Adrien. Alors qu'il pense être arrivé à destination, sa petite galerie débouche sur un énorme tunnel, si gigantesque qu'il a dû être creusé par un monstre. Au bout de ce tunnel, un mur de terre, très sec. Il est arrivé à destination. Hélas, sa joie est rapidement étouffée par des reniflements sonores qui lui glacent le sang. « On dirait que le dîner est servi !» Le sol tremble. Des bruits de griffes qui raclent la terre résonnent. Un énorme museau apparaît dans le tunnel. De gigantesques pattes griffues se plantent dans les murs de la galerie. Mais la vieille taupe couine. Elle a du mal à avancer, comme si chaque mouvement était pénible pour elle. « Vous allez bien ?» La taupe reste interdite. « Ai-je bien entendu ?»« Je vous demande si vous allez bien. » Un dîner qui se soucie de la santé de son bourreau? T'es un drôle, toi! Je suis plutôt jeune, me déplacer devient pénible, et j'ai du mal à trouver de la nourriture maintenant. Et vous avez besoin de me manger? C'est que je raffole des petits vers, moi! Adrien sait qu'il a peu de chances d'échapper à son sort. Une idée lui vient. Je suis venu ici pour réaliser mon rêve, creuser des tunnels dans ce coin sec. Peut-être pourriez-vous me manger après? Un silence pesant emplit le tunnel, puis la taupe s'exclame. « Ma foi, t'es tellement pas banal que je vais me retenir un petit moment !» Sans perdre un instant, Adrien se met au travail. Malheureusement, il n'arrive à rien, la terre est dure comme du diamant. « Vous pourriez m'aider ?»« Ça va me fatiguer !» répond-elle peu enthousiaste. « Un coup de griffe, et ce mur tombera! Je me débrouillerai pour la suite, promis !»« Ma foi !» Écoute, pote, n'a jamais tué personne. Après quelques minutes, Adrien et la vieille taupe tombent nez à nez avec un bulbe de tulipe. Il est plongé dans un profond désarroi. Il lui est impossible de s'épanouir ici. Touché par sa détresse, Adrien propose de l'aider. La taupe s'étonne elle-même d'offrir ses services. Sans attendre, la drôle d'équipe se met à l'œuvre. Pendant que le mammifère fait son affaire de la terre trop dure, Adrien se charge de créer des petites galeries pour aérer le sol et permettre à l'eau de s'infiltrer. Une pluie bienfaisante finit par s'abattre sur le jardin et la tulipe commence à s'épanouir. À la vue du résultat, la vieille taupe dit à Adrien : « J'ai bien fait de pas te dévorer. T'as fait revivre un coin de jardin. » Pas moi tout seul. On l'a fait ensemble. Une fois la tulipe sortie de terre, les humains s'intéressent au coin qu'ils avaient délaissé. Ils ne tardent pas à s'en occuper et à y planter des graines et des bulbes pour accompagner la tulipe. Cette situation comble Adrien, qui, épaulé par la taupe, s'empressa d'aller voir chaque nouvelle plante pour rendre leur espace le plus agréable possible. Les deux amis firent des miracles. La terre devint si fertile que leur coin de verdure devint le plus beau de tout le jardin. Adrien était le plus heureux des lombrics. Son amour pour le travail de la terre fut tellement contagieux que nombre de ses congénères suivirent son exemple. Grâce à cela, le jardin se transforma en un joyau luxuriant. Les habitants de l'immeuble s'y pressèrent, sans savoir qu'ils devaient cela à une vieille taupe et à un ver de terre un peu rêveur. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.